Le porte-parole du comité de mesures urgentes de toute la nation contre les exercices de guerre nucléaire à l'encontre du Nord a publié le 13 courant une déclaration à propos des menées des autorités sud-coréennes visant à effectuer en mars prochain, de pair avec les États-Unis, les exercices militaires Kill Resolve et Aigle dans une envergure sans précédent dans l'histoire. En voici le résumé. Ces exercices militaires conjoints prévoient de mobiliser de gros effectifs américains, y compris tous les moyens de frappe nucléaire, selon les plans de frappe préemptive contre le Nord, notamment le plan opérationnel de 4 dimensions visant à détecter, défendre, perturber et détruire les bases nucléaires et de missiles du Nord, et l'opération de l'élimination du cerveau dont les États-Unis font bruit. C'est une déclaration ouverte de leur tentative de guerre nucléaire contre la Corée populaire. La campagne de guerre des autorités sud-coréennes contre le Nord et la politique d'hostilité envers la Corée des États-Unis qui les incite activement constituent le défi intolérable contre le désir et l'exigence de toute la nation coréenne aspirant à la paix et à la réunification, et aussi la violation ouverte de la dignité et de la souveraineté de notre République. Aujourd'hui, dans la péninsule coréenne, l'hostilité, l'antagonisme, la méfiance et la confrontation ont dépassé leurs limites et tout conflit peut ainsi causer un grave incident imprévisible. Voilà l'actuelle situation de la péninsule coréenne. Les agresseurs et provocateurs ne doivent pas se conduire à la légère en réfléchissant sérieusement aux résultats de leur campagne de guerre insensée contre le Nord.